histoire particulière. Les histoires d'amour finissent mal, en général, peut-être, mais c'est leur façon à elles de créer les œuvres les plus spectaculaires sans concession. Cléopâtre et Marc-Antoine, Alfred de Musset et Georges Sand, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Leur amour fait désormais partie de l'histoire. C'est bien simple, ils sont indissociables l'un de l'autre. Pour preuve, leurs passions enflammées leur survivront, scellées à jamais. Ce week-end, Romain Weber et Laurent Polleret vous proposent de revenir sur l'histoire tragique d'Héloïse et Abélard. Toi seul m'as plu par-dessus toutes les créatures de Dieu, et toi seul j'ai aimé. T'aimant, je t'ai cherché, te cherchant, je t'ai trouvé, t'ayant trouvé, je t'ai désiré, te désirant, je t'ai choisi, t'ayant choisi, je t'ai placé avant tout autre dans mon cœur, et je t'ai élu, toi seul, parmi des milliers. Ta beauté surpasse même celle des vraies déesses. Que caches-tu sous tes habits? Mon esprit perd son calme. Je voudrais les toucher lorsqu'ils viennent à ma pensée. Si je pouvais te voir, ma chère, aussi souvent que je le veux, je voudrais que ce soit 3-4 fois par jour. Cette nuit serait plus claire que le midi du jour. Pardonne mon aveu, je t'aime impatiemment. Porte-toi bien, toi, et que périssent tous ceux qui tentent de nous séparer. Abélard était un personnage extraordinaire. C'était le premier intellectuel et je pense que effectivement, il a le caractère même et la façon d'agir, de penser d'un intellectuel, alors que avant lui, tous les gens faisaient ce qu'on appelle la lectio divina, c'est-à-dire on prenait la Bible, on faisait des commentaires érudits et on les développait. Or, Abélard, il est le premier qui est posé, il s'est posé des questions et il a mis en doute. Je pense que la première des choses pour un intellectuel, c'est de poser une question et d'essayer de comprendre, d'avancer, de recommencer, etc. Et c'est cela l'enseignement d'Abélard. Abélard a posé les pierres de ce que nous cherchons tous ensuite. Il était philosophe, c'est-à-dire amant de la sagesse. Et Michelet dit que c'est le premier chantre de la liberté. Héloïse et Abélard, histoire de leur malheur. Laurent Polleret, Romain Weber. Premier épisode, les voluptés charnelles. Je vous présente Héloïse. Elle, il y a différentes théories sur ses origines. On sait d'elle qu'elle a un oncle. Sylvain Piron, historien. Qui s'occupe d'elle. Et son oncle est le chanoine Fulbert, chanoine très important. Donc dans une cathédrale, il y a l'évêque et autour de l'évêque, une douzaine de chanoines. Et parmi eux, Fulbert joue un rôle vraiment important. C'est presque une sorte de numéro 2 de la cathédrale. Donc un grand personnage qui ne vit pas dans le cloître. Ça, c'est un détail important. Il y a autour de la cathédrale donc une zone où vivent les chanoines, mais lui étant archidiacre de Paris, il est responsable de la ville de Paris au sein de dans la distribution des pouvoirs au sein de la cathédrale. Donc il habite juste en face une maison qui serait située maintenant exactement là où est le parvis de Notre-Dame actuelle. Et il s'occupe de sa nièce Héloïse qui a été élevée au monastère d'Argenteuil. Donc si elle est élevée à Argenteuil comme monastère, c'est une jeune femme noble qui est orpheline de père. Une théorie voudrait que sa mère soit elle-même rentrée en religion, que son père soit peut-être un chevalier parti à la première croisade en 1095. Il y a toute une grande vague de veuvage après la première croisade, donc de femmes nobles qui rentrent au monastère. Elle pourrait être originaire de cette famille-là ou d'autres, enfin, on ne sait pas trop. Mais en réalité, on est certain, probablement destinée à devenir à son tour abbesse. Donc son oncle Fulbert choisit de lui donner la meilleure éducation. Voilà. L'histoire va commencer par cette rencontre qui est donc très connue par un récit. Donc, c'est important, je pense, pour les auditeurs de bien préciser qu'il s'agit de personnages réels. C'est pas une légende, Héloïse et Abélard, c'est des êtres de chair et de sang. Héloïse a vraiment écrit ce qu'elle a écrit. Elle était une femme vraiment cultivée qui voulait certaines choses et qui les a obtenues. Ça se passe en quelle année exactement? Est-ce qu'on sait? 1113, 14. Abélard doit avoir une trentaine d'années. Sur Héloïse, on a beaucoup dit qu'Héloïse devait être très jeune, 16, moins de 20 ans. Annie Cazeneuve, pour se plonger dans l'histoire d'Aloïse et Abélard, il faut s'imaginer un petit peu ce à quoi ressemblait le Paris du XIIe siècle. Comment on vivait à cette époque ? Alors, ce Paris était complètement resserré, quartier complet de petites ruelles resserrées tout autour de Notre-Dame, et ces gens vivaient de Notre-Dame elle-même, et donc Abélard est enseigné dans ces petites maisons dont il en reste quelque peu auprès de la rue chanoinesse. On imagine un Paris plein de boue et de crasse et d'ivrogne. Est-ce que c'est notre vision du Moyen-Âge ou est-ce que c'était vraiment comme ça ? De boue et de crasse, je crois que oui. Victor Hugo, disons que celui qui lançait ses ordures par la fenêtre, ça ne devait pas être inventé. Je signale qu'il y avait une certaine rue de Flavigny qui était célèbre, parce que c'était la rue des prostituées, par exemple. Et il y avait tout autour les petites boutiques. Ça n'était pas encore le quartier latin, c'est-à-dire le quartier où on parlait latin. Il y avait encore des abbayes et encore des champs et des vignes dans l'île de la Cité. Est-ce qu'on peut imaginer un peu les odeurs qu'il y avait dans l'île de la Cité ? Ça sentait quoi dans les rues, là ? Pourquoi croyez-vous que l'on balançait de l'encens pendant les offices ? C'était pour chasser les odeurs. Ceci dit, ils étaient propres, ils allaient se laver dans les mains, ils étaient plus propres qu'ils n'étaient au XVIIe siècle. Ça pouvait sentir aussi des odeurs de cuisine, après tout, pourquoi pas. Vous vous souvenez de ce fabliau où un pauvre venait manger son pain au soupirail d'une boulangerie pour sentir les odeurs du pain frais. Il y avait aussi les odeurs de pain frais, de vin, je suppose, des coteaux, de Montmartre en particulier. Est-ce qu'il plaisait aux femmes, Pierre Abélard ? Bah, en tout cas, il a plu à Héloïse. Charles-François Valkenner, propriétaire du Paraclet. Ce qui est en soi quelque chose de... Enfin, une prouesse, parce que c'était quelqu'un de... Probablement, c'était certainement une femme intelligente. Elle parlait le latin, le grec, peut-être l'hébreu. Je ne sais pas, ça me paraît quand même un peu beaucoup pour une fille de 17 ans. Enfin, en tout cas, le latin et le grec. Probablement, j'imagine, très belle. Donc, et lui était un homme dans l'épanouissement de sa personnalité, avec une réputation impeccable, un des grands professeurs de Paris, et voilà, l'histoire est simple. Hein. C'est elle qui a demandé à son oncle d'avoir des cours d'un enseignant de l'école cathédrale. Donc elle est venue d'Argenteuil, et Fulbert, lui, trouve le meilleur enseignant, la gloire de l'école cathédrale de Paris, qui est ce Pierre Abélard. Pierre Abélard demande à être logé chez Fulbert. Non seulement il donne des cours particuliers à la jeune Héloïse, et il est logé donc en dehors du cloître, hein, c'est un lieu où une femme peut vivre de façon tout à fait décente, et il est habituel que des grands personnages comme des chanoines hébergent les étudiants. Alors, on est dans les années 1110, à un moment où il n'y a pas encore beaucoup d'écoles dans Paris. Abélard, quand il arrive chez le chanoine Fulbert pour donner des leçons particulières à Héloïse, est-ce que vraiment ces leçons particulières, c'est des cours de philosophie ? C'était d'abord des cours de philosophie. Alors, il donnait des leçons contre une pension, ce qui d'ailleurs se faisait couramment au Moyen-Âge. Un étudiant prenait pension chez quelqu'un dont il servait de précepteur au fils, on le trouve régulièrement. Mais là, c'était pas un fils, c'était une fille. Et Fulbert lui dit d'être sévère avec elle, y compris de lui donner, ce qu'on donnait aux écoliers, de lui donner des corrections corporelles. Donc la fessée ? Oui, la correction à la main, vous voyez plutôt. Elle ne le dit pas, il ne le dit pas, mais effectivement, à plusieurs reprises, ils font allusion au fait qu'il la battait, et il la battait parce que quand elle, ensuite, quand l'histoire était bien engagée, si j'ose dire, elle se refusait à lui, et je pense en réfléchissant que c'était aux veilles de fête, enfin au moment où on demandait la continence, et elle se refusait par scrupule, et lui, il était emporté par sa foule, disons. Il y a un côté légèrement pervers, vous voyez, à mon avis. Les livres étaient ouverts, mais il se mêlait dans les leçons plus de paroles d'amour que de philosophie, plus de baisers que d'explications. mes mains revenaient plus souvent à son sein qu'à nos livres. Pour mieux éloigner les soupçons, j'allais parfois jusqu'à la frapper, coup donné par l'amour, non par la colère, par la tendresse, non par la haine, et plus doux que tous les baumes. Que dire ? Dans notre ardeur, nous avons traversé toutes les phases de l'amour. Tout ce que la passion peut imaginer de raffinement, nous l'avons épuisé. Plus ces joies étaient nouvelles pour nous, plus nous les prolongions avec délire, nous ne pouvions nous en lasser. Cependant, à mesure que la passion du plaisir m'envahissait, je pensais de moins en moins à l'étude et à mon école. Amandine Postec, vous êtes médiéviste, latiniste. On se trouve ici à la BNF, dans un salon qui s'appelle le Salon Rothschild. Et on a devant nous un manuscrit assez unique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un manuscrit qui a appartenu à Pétrarque. Ça en fait déjà toute l'originalité. Donc, on a à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits, un certain nombre d'ouvrages qui sont issus de sa bibliothèque. Celui-ci en a fait partie. Il a des annotations de la main de Pétrarque tout au long du texte. Et ce texte, en l'occurrence, est celui qui nous intéresse dans les premiers feuillets, l'histoire de mes malheurs d'Abélard, suivi des premières lettres de la correspondance avec Héloïse. D'accord, donc c'est un manuscrit, une copie de la correspondance de Héloïse et Abélard, qui date de quelle époque ? Alors, il date de la fin du XIIIe siècle. Il s'agit d'un des plus anciens témoins, sachant que le plus ancien est le manuscrit qui est conservé à Troyes. Mais le manuscrit de Pétrarque a longtemps été considéré comme l'un des plus anciens, et peut-être le plus ancien, avant qu'on ne puisse reprendre la datation du manuscrit troyen. Amandine Postec, dans cette histoire de mes malheurs d'Abélard, il y a ce passage en bas de cette page. Qu'est-ce qu'il dit, ce passage ? Erat quipe inipsa civitate parisius. Adolescentula quidam nomine Eloisa, neptis canonici cuius dem qui fulbertus vocabatur. Il y avait alors dans cette même ville de Paris une adolescente du nom d'Héloïse, nièce d'un certain chanoine appelé Fulbert, qui cum perfaciem non esset infima per abundantiam literarum erat suprema. Et si, d'apparence ou de visage, elle n'était pas des plus mâles, c'est par sa vaste connaissance des lettres qu'elle était sans égale. En fait, on a un document principal qui est le récit de sa vie que fait Pierre Abélard. Qui s'appelle comment ? Alors, l'Historia Calamitatum, qu'on traduit par l'histoire de mes malheurs, qui raconte toutes les malheurs qui lui sont arrivés. Donc c'est pas une pure autobiographie, c'est un récit exemplaire. C'est vraiment un style classique dans la tradition chrétienne depuis saint Augustin, de présenter, de faire des confessions, d'exposer l'histoire de ses péchés pour se donner en exemple des erreurs qu'il a commises pour se faire pardonner. Donc on a d'un côté ce récit, l'histoire de mes malheurs, avec les réponses d'Héloïse. Mais on a, donc il y a un document connu depuis très longtemps, et beaucoup plus récemment est apparu un manuscrit contenant une correspondance anonyme entre un homme et une femme, qui visiblement vient du XIIe siècle, dont on a une copie partielle, avec des trous, qui ne contient aucun nom, aucun détail qui permettrait d'identifier précisément les choses. Les lettres des deux amants, donc c'est un document que j'ai traduit en français en développant le travail de mon ami Constant Mews, qui est un historien australien, qui a écrit un livre en 99 pour proposer l'hypothèse que ces lettres sont les lettres échangées par Héloïse et Abélard pendant leur liaison. Donc c'est un document vraiment spectaculaire qui a beaucoup étonné, et je dois dire que beaucoup d'historiens en France, aux États-Unis, en Allemagne, ont refusé c'était trop beau pour être vrai. Mais il se trouve que... Et donc il refuse d'attribuer ces lettres-là à Héloïse et Abélard. Voilà, c'est compliqué pour beaucoup de gens, ça a été compliqué de l'accepter. Or, depuis 15 ans, les preuves s'accumulent. On n'a aucune objection sérieuse à cette hypothèse. on a bien là un document très étonnant qui montre les échanges entre Héloïse et Abélard et qui permet de voir leur histoire sous un autre jour. Bon, il est évident qu'ils ont été au plus intime et qu'ils se sentent... Ils ont découvert ensemble l'amour. Mais c'est, avec autant plus de fou que lui avait 38 ans, les commentateurs se sont demandé quelle était la vie d'Abélard, c'est-à-dire, pour parler nettement, s'il avait une vie chaste de Claire ou s'il avait eu recours au service des filles de Flavigny dont je vous ai déjà parlé ou d'une femme mariée quelconque. À mon avis, non. Et je pense que la flamme les a pris ensemble, elle et Veloïse, elle avait 16 ans, 17 ans, c'était évident qu'elle ne savait absolument rien, mais ils ont découvert très vite et ensemble. Je viens souvent la gorge sèche, désirant me restaurer du nectar de ta bouche suave, épuiser avidement les richesses répandues dans ton cœur. A-t-il besoin d'en dire plus ? Que cet adieu puisse mon aimé pénétrer doucement au plus profond de toi. Plus je m'approche de toi, plus je brûle. À tel point que quand je suis à tes côtés, je deviens tout entier de feu. Je brûle jusqu'à la moelle. Tu m'accompagnes jusqu'au sommeil. Au réveil, dès que j'ouvre les yeux, je te vois avant la lumière du jour. Qui pourra donc nier que tu es véritablement enterré en moi ? Tu m'as presque oublié, ma douceur. Quand te reverrai-je ? Concède-moi au moins une heure de joie. Je t'envoie autant de saluts qu'il y a d'étoiles dans le ciel, de jeunes filles dans le monde et de vagues bruissantes dans la mer. Que ton cœur est fécond de douceur, comme tu resplendis d'une beauté immaculée, ô corps plein de sève, ô parfum ineffable que le tien. Dévoile ce que tu caches, révèle ce que tu gardes dissimulé. Que jaillisse enfin cette fontaine de tes douceurs surabondantes. Que tout ton amour déverse sur moi ses richesses, ne tient plus rien caché à ton serviteur le plus dévoué. Ma douce lumière, mon souffle, mon étoile claire. Ma plus noble douceur, mon unique consolation. Mon astre d'or, joyau des vertus, doux remède de mon corps. Ma santé, mon aimable plaisir, mon étoile la plus claire. Mon solstice. Est-ce qu'ils avaient le droit, Héloïse et Abélard, de faire ça ? Absolument pas. Tout le problème est là, justement. Il était clair, un clerc pouvait se marier. La question va se poser ensuite. Héloïse était la jeune fille de 16 ans, la couventine, si vous voulez. Lui, il pouvait se marier. Il était clair, mais non, il n'avait pas la prêtrise. Mais c'était très mal vu pour un clerc de se marier. Donc, s'il se mariait... D'abord, il perdait ses étudiants. Ils étaient mal vus. Il perdait ses étudiants. Or, je vous rappelle que c'était les étudiants payaient leurs leçons. Le problème, c'est donc qu'Abélard était un clerc et donc qu'il n'avait pas le droit moralement d'avoir une épouse. En disant moralement, vous mettez l'accent exactement sur la question. Il avait, disons juridiquement, le droit, s'il avait une épouse, ce qui était le cas de certains clercs, il tombait dans le discrédit qui s'imposait. Donc c'était l'apologie de la continence. Or, il était clair que Abélard, socialement, il ne pouvait pas. Et quelque temps après, la situation dérape. Il y a un moment où il ne se cache plus et Fulbert finit par découvrir la situation. Je crois qu'il y a même des chansons que compose Abélard autour d'Héloïse qui circulent dans l'île de la Cité. Voilà, donc ça, lui parle de cela et elle aussi l'évoque dans une des lettres en disant « tu mettais mon nom sur toutes les bouches », etc. Donc oui, effectivement, tout le monde est au courant dans la ville qu'Abélard est amoureux. Et Fulbert est le dernier à découvrir ce qui se passe et il le découvre, donc ça peut correspondre à un épisode dans la série des lettres où les amants sont séparés et peu de temps après il y a une lettre qui est tellement fragmentaire dans la copie qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe, mais ça pourrait correspondre à une lettre qui est évoquée par Abélard, qui est la lettre dans laquelle elle annonce sa grossesse. C'est ça l'élément clé, c'est juste après la découverte par Fulbert, Héloïse découvre aussi qu'elle est enceinte. Et à ce moment, alors c'est compliqué la situation, Abélard l'emmène dans sa famille en Bretagne et revient à Paris pour négocier avec Fulbert le mariage. Comment est-ce que le chanoine Fulbert, qui est l'oncle d'Héloïse, réagit quand il comprend que le professeur qu'il a engagé pour sa nièce a en fait entamé une relation avec elle? Ah ben, il est furieux. Dans le premier temps, c'est la réputation, c'est l'honneur qui compte. Donc pour réparer l'honneur, Fulbert veut le mariage. Et Abélard accepte le mariage. Mais pas Héloïse. C'est là un des moments vraiment les plus remarquables de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'Héloïse refuse le mariage avec Abélard, celui qu'elle aime? Eh ben, c'est le sujet de son chef-d'œuvre, qui est une lettre qu'elle écrit de Bretagne, du palais, une longue lettre pour expliquer pourquoi elle ne veut pas se marier. Le philosophe ne doit pas se marier. Il doit consacrer sa vie à l'esprit, il ne peut pas s'encombrer, s'embarrasser d'une vie domestique. Et si uxoris nomen sanctius ac validius videre tur, dulcius mi semper extitit amice vocabulum, aut si non indigneris, concubine vel scorti. C'est toi, purement et simplement, que je désirais. Je n'attendais ni mariage, ni la moindre dot. Et je me suis même appliquée à ne satisfaire ni mes voluptés, ni mes volontés, mais les tiennes. Tu es bien placée pour le savoir. Et si on estime qu'épouse est un nom plus sacré, pour moi, celui qui convient le mieux et que j'ai toujours trouvé plus doux, c'est le mot ami. Voire, au risque de te choquer, concubine ou putain. Héloïse refuse absolument parce que je préfère être ta putain que ta femme, écrit-elle. Elle ne veut pas que la gloire d'Abélard, de son amant, soit entachée à cause d'elle. Or, elle sait très bien qu'il reviendrait dans même plus une carrière, mais une vie médiocre, une maison avec le bruit qui t'empêchera de travailler et d'étudier, les vagissements de l'enfant, le bruit des servantes. Et donc, tout à fait prosaïque. Or, Héloïse, elle considère que Abélard ne doit pas être entaché à cause d'elle. La seconde partie, qui sont les arguments pour lesquels il est mauvais pour une femme de se marier à un philosophe, elle dit qu'elle ne veut surtout pas profiter de cet amour. Il ne faut pas que l'amour lui rapporte quelque chose. L'amour doit être totalement désintéressé, gratuit. Elle ne veut pas obtenir des honneurs, du prestige, des profits de cet amour. Donc pour être désintéressé, il ne faut pas se marier. C'est un peu compliqué, mais c'est vraiment l'argument central. Or, ce qui est très frappant, c'est qu'on retrouve dans certains passages des lettres cet argument-là. Donc on peut déjà deviner dans les lettres des amants le moment où Héloïse a dit, elle dit « je suis prête à mourir ». Donc c'est vraiment, elle s'imagine elle-même sur le modèle de ces héroïnes tragiques. Elle veut être prête à mourir, à se sacrifier pour celui qu'elle aime. Ta gloire redoublerait la mienne aux yeux de tous s'il nous était permis de demeurer ensemble jusqu'au terme de notre vie. Mais je préfère en terminer d'une mort violente plutôt que d'être vivante privée de la joie exquise de ta vue. Puisque tu es devenue tout pour moi, il ne m'est plus nécessaire de rien désirer d'autre pour la durée des siècles à venir. Abélard ne l'écoute pas, donc accepte le mariage. Il demande seulement à Fulbert que le mariage demeure secret, pour ne pas nuire à sa carrière à lui. Il n'est pas prêtre, il n'est pas du tout impossible pour un clerc qui est dans les ordres mineurs de se marier. On est encore dans un moment aussi de flottement du point de vue de l'imposition du célibat des prêtres. Il n'est pas encore prêtre. Il imagine qu'il pourra faire carrière d'enseignant en étant marié. Et Fulbert, lui, est furieux et nous dit non, il veut absolument que le mariage soit reconnu. Et quand Héloïse revient, donc Héloïse accouche en Bretagne, et quand elle revient à Paris en laissant l'enfant chez la sœur d'Abélard, Héloïse refuse de reconnaître le mariage publiquement. Et là, Fulbert la tape. Abélard, à ce moment-là, veut protéger Héloïse en la mettant à l'abri. Et Fulbert pense qu'Abélard veut annuler le mariage en envoyant Héloïse au monastère. Et à ce moment-là, Fulbert, c'est la scène célèbre, Fulbert embauche des hommes de main qui vont émasculer Abélard. Fulbert paye deux castreurs de cochons pour opérer Abélard et de le châtrer. Ce qui fut fait. Enlever les testicules. Point barre. D'accord. C'était une opération probablement à vif, probablement extraordinairement douloureuse, mais pas très compliquée, je pense, sur le plan de la guérison. Et c'était à l'époque le châtiment réservé aux violeurs, avec des décisions qui sont rapides, expéditives et sans retour possible. Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé, cet épisode de castration? Il y a des gravures du 18e qui le montrent. On n'en sait absolument rien, probablement pas très loin de la montagne Sainte-Geneviève. Et on sait que les Fulbert, alors les choses sont pas très claires, Fulbert aurait été puni, mais on ne sait pas trop bien comment, ainsi que les châtreurs de porc, qui finalement n'avaient fait que ce qu'on les avait payés pour faire. Donc c'est une histoire... Alors ils ont été gravement punis quand même, parce qu'ils ont été eux aussi castrés, on leur a crevé les yeux. C'est ce qu'on dit pour Fulbert aussi. Donc là aussi, on est dans une justice expéditive. Alors, un médecin m'a dit un jour que c'était rien. Bon, d'accord. Mais enfin, il faut tout de même une incision profonde, à vif, et puis ensuite une extraction qui doit faire gueuler. Ça doit être une abomination, pour parler cru. Et le miracle, c'est qu'il a survécu, il n'y a pas eu d'infection, et il a continué, il a vécu une vie d'homme normale, puisque 60 ans à l'époque, c'est un vieillard d'un âge avancé. Parce qu'on meurt jeune. Donc le miracle, c'est ça, c'est qu'il ait survécu, ce qui lui a permis de prendre cette décision et de mener une vie différente, c'est-à-dire de continuer à enseigner, mais sous l'habit de moine de Saint-Denis. Puis après, il était père abbé de Saint-Gildas, etc. Voilà, messieurs. Eis, videlicet corporis mei partibus amputatis. Partibus amputatis, on comprend peut-être un petit peu là, même si on ne parle pas latin. Quibus it quod plangebat commiseram. Alors, c'est-à-dire qu'ils me coupèrent les parties de mon corps avec lesquelles j'avais commis ce dont ils se plaignaient. Une nuit, alors que je m'étais endormi dans la chambre d'une auberge, ayant acheté mon hôte avec de l'argent, ils me punissent par le châtiment le plus cruel. Ils me coupent les parties du corps avec lesquelles j'ai péché. C'était le premier épisode de Héloïse et Abélard, Histoire de leur malheur, avec Annie Cazenave, Sylvain Piron, Martine et Charles-François Valkener et Amandine Postec. Lecture, Pauline Ziadé, Cécile Arnaud, Jean-Laurent Bourrel et Éric Herson-Macarel. Prise de son, Yves Lehors et Thomas Robin. Mixage, Bernard Laniel. Les Voluptés Charnelles, Laurent Polleret, Romain Weber. La suite de l'histoire d'Héloïse et Abélard, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.